à mes voyous, je vous regarde pas ce que vous voyez. Du brouillard fumé, je m'en floue. Ça fait longtemps que j'ai pas vous voyé. Des fois j'aimerais que vous sachiez que je suis pas fier une bouteille, je bois tout. Grave méfiant si vous saviez. Au studio pour faire goûter mes atouts. J'ai l'écriture assimère, mon ami. Comme toi j'ai du dire, en ce moment j'ai moins d'habits. On m'a dit des brouillards, jamais voyous. Une perte addict et je le resterai à vie. C'est la folie car j'ai trop de pertes d'amis. J'ai peut-être mis trop d'amener, maybe on part demain. Peut-être qu'on parle de moi, non j'ai pas changé de mine, un doigt sur les deux mains. Maman j'ai traîné, balade comme un traîneau. Pas le moment de traîner, on prend au très haut. Adidas traîneur, barreau comme un trimmer. On dit que t'es trop là, sur vêtements training. Même pas besoin de freiner, location le primeur. On démarre l'engin, y'a pas besoin de m'entraîner. On rentre après l'heure, comme d'hab on boit là. Taille bouillée, on pisse après là. Mais t'inquiète, on a fort, tu question que j'ai les frères. Y'a de la peau au même effet que le somnifère. On se posera dans la tour, putain, des fois le soir il gèle. Papa, on vit ton pote, même si tu sais que des somnifères. Pris de vitesse dans la tourmente, on peut cacher mes frères. Baisser les vis, là tous les gens vont nous assommer fort. Des potes bloqués, on peut pas toujours assurer Ray. Et si je t'ai pas donné, je me trompe, autant j'assume mes torts. Le cœur abîmé, je m'allume à l'eau du cœur. Dès le matin, buvait.